Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouer parmi les musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. Je vois brûler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence des grands rochers. Je vois un jeu de quilles que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Et moi, je chante, je ne sais faire que ça, je chante, de tout mon désespoir, je chante, je suis heureux, et moi, je chante, je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouer parmi les musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. J'entends un vieux tambour sonner la charge des statues. J'entends un cri d'amour que je n'ai jamais reconnu. J'entends les derniers jours frapper à mort ma tête nue. J'entends un troubadour chanter le temps qui ne reviendra plus. Et moi, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante.